Selon la radio sud-coréenne KBS, le syndicat financier a commencé la grève générale contre la politique anti-ouvrière de Bakounet, notamment l'introduction du système de rémunération annuelle des primes. Le meeting pour la grève générale s'est déroulé le 23 à Séoul sous la participation de plus de 50 000 ouvriers.